l'émission, tac, j'archive. Donc bonsoir. Bonsoir, nous avons Yogi ce soir. Parce que j'avais pas commencé à archiver, donc nous allons recommencer. Donc voilà, donc c'est Yogi pour la première de. Alors, avant toute chose, avant un toute message chose, personnel. Que les choses soient claires. Pour mettre bien les choses au point. D'accord. On t'encule. Voilà, Marseille, ça, Marseille, on t'encule. C'est moi qui dis ça. Voilà. Dans cette équipe, c'est lamentable. Ensuite, ça, c'est fait. Pourquoi c'est pas lamentable? Ils c'est sont 19e. Ça va, c'est leur place, non, 19e? Comme dit Anja, bientôt, je supporte le PSG, c'est un drame. Ah, bah d'accord. Donc, on va parler foot ce soir. Et eh ben, c'est la nouvelle émission sportive sur ma radio. Je suis arrivé sur RMC Sport. Hein, voilà, très bien. Donc, c'est ce soir avec notre conseiller sportif, Yogi, en direct de ma radio. Si vous avez loupé tous les matchs, eh ben, c'est ce soir que vous pouvez rattraper votre inculture sportive. Non, parce qu'on voilà. est là à parler de culture, il faut parler de sport un petit peu. Voilà, ouais, en même temps, le sport, c'est quoi. Une forme de culture. Hein. Avec toi, ça devient une forme de culture. Ouais, je te rappelle que nous avons regardé ensemble le match Porto-Marseille. Ma petite intervention du début du match. Oui, enfin bon, en même temps, ils sont premiers de leur groupe, encore, non? Non, c'est fini. Non, c'est fini, ils sont deuxièmes maintenant. C'était en 93. Ah bah merde. Mais bon, ils vont aller loin, je pense, dans cette Coupe de la Ligue. Enfin, en tout cas, pas Coupe de la Ligue, pardon, Ligue, Champions League. Pardon. Bon, stop au sport. En revanche, ça va être du sport, encore, avec de la musique. Tu vends bien. Ah bah oui, ah, bien, sûr. Bien sûr. Tu vends très très bien. Alors, écoute, moi je vais commencer par parler de deux groupes. Attends, deux secondes, je fais une petite parenthèse. Vous pouvez fermer votre gueule, merci. Voilà, donc je fais un peu le calme dans le studio parce que c'est un peu le bordel. non, je rigolais, hein. Vous pouvez continuer à parler, c'est bon, ça fait un fond d'ambiance, tout ça. C'est ambiance, c'est sympa. Je juste fais une petite dédicace à mon amoureuse qui est là avec nous ce soir. Je suis très content, c'était une surprise de sa part. Elle est venue me soutenir, me masser les épaules, ce qu'elle ne fait pas depuis le début. Elle m'avait promis qu'elle le ferait, mais bon, elle ne le fait pas. J'ai pas entendu quoi? J'ai le casque sur les oreilles. Voilà. T'es plus le même, Jacques. Oh merde. T'es plus le même. Je suis D-Fool. Non, D-Fool, sors. Exactement. Sors de ce corps, D-Fool. C'est D-Fool. C'est hallucinant. Alors, pour répondre à ta question de tout à l'heure. Oui. C'était quoi déjà ma question? Tu l'as pas posée encore dans le podcast, donc il faudrait que tu la poses dans le podcast. D'accord, c'était quoi ma question? Celle de tout à l'heure. C'était quoi? Bon, je fais plein de choses. D'accord. Ah oui, c'est ça, pardon. Tu fais plein de choses, donc tu es non seulement DJ, mais tu es aussi producteur de musique, réalisateur. Tu gères le showcase, c'est toi un peu à la tête. C'est chez moi. C'est chez Watt. Disons simplement. Et donc tu invites chaque week-end beaucoup de monde à faire la fête chez toi. Je suis très très sélectif, 1500 personnes. 1500 personnes triées sur le volet, bien sûr, avec énormément de concerts, de bons sons, etc. Donc, d'ailleurs, la prochaine fois où je passe, je viendrai avec un petit cadeau, j'ai une version live d'Ali Love pour toi. Ah bah parfait, super. Ah oui, tu es super, super. Qu'on passe de temps en temps, enfin on passe Ali Love, une version unplugged des Earth, Wind and Fire qu'il a chanté backstage. Ouais. Que j'ai enregistré dans tous voilà. Ceux qui écoutent un peu ma radio peuvent écouter le Muséum d'Histoire Sonore et entendre Anja notamment fais à la porte. Fais un jingle promo dans ces cas-là. Non, je veux pas ça. Donc voilà, alors Yogi, qu'est-ce que tu nous envoies tout de suite? T'as pas encore les jingles genre ma radio? Non. Si j'ai des petits jingles, mais c'est pas des jingles très, que j'envoie. Tes jingles, j'aime beaucoup. Si j'envoie, c'est casse un ongle, il me fait rire à chaque fois. Juste, si je peux me permettre, il faudrait enlever le ouille à la fin. Oui. Qui est en trop. Ah d'accord, bah j'enlèverai. Ah, okay. Tu l'enlèves et c'est parfait. D'accord. Bon, je suis venu te parler des groupes, de plein de groupes. Alors, alors déjà on va faire un truc, c'est que ce soir on va pas faire de musique, enfin on va pas écouter une musique produite par Mark Ronson. Ah. Ce qui est quand même assez difficile en ce moment. Ce qui est unique. Ce qui est unique parce que moi je passe un peu de Mark Ronson, notamment Valérie de Amy Winehouse, tout ça. Je n'en peux plus de Mark Ronson. Ah bah voilà, d'accord. Non mais c'est un bon producteur. Je suis un anti-Mark Ronson primaire. Bon bah alors, ok. Donc, mais par contre, je vais te parler d'un groupe qui s'était formé il y a très très longtemps. Alors, qui a fait un maxi. Tu fais frémir. Ça frétille. Voilà. Qui a fait un maxi et qui s'est séparé aussi sec. Tu me parles de Bros, When Will I Be Famous? Pas du tout, non. Je te parle des Bold. The Bold. Les chauves. Avec un bah, ça te va bien, ça introduit très très bien ton émission. Je pense que ça m'introduit tout à fait correctement. Et je vais te faire écouter le seul maxi qu'ils ont fait pour le moment. Je dis bien pour le moment parce qu'en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'ils se remettent ensemble. Ah, bah on est ravis. Moi, je connais même pas ce que tu vas me passer. Mais je pense que si, tu connais. Ah, bah peut-être, mais en tout cas, je me souviens pas du titre. Et donc, en fait, le thème, ça va être un petit peu black music ce soir. Black music. Tu me connais, tu sais ce que j'aime. Tu es noir à l'intérieur, comme Ophélie Winter. Exactement. Bien sûr. Surtout quand t'as les textes à la ronde. Allez, on envoie. Thank you. On a envie de parler de ce titre un peu ou pas? On peut en parler. Alors raconte-nous, parce que tu racontais pas mal de choses à tous nos convives qui sont là ce soir, et c'est des choses intéressantes, Goody Mob, tout ça, etc. Alors, la etc. petite histoire de ce titre, c'est un groupe de rap. Ouais. Parle bien dans le micro, Yogi. J'adore. C'est à moi que tu dis ça. Dire ça à toi, c'est un gros kiff. Alors ce groupe, donc ça c'est un black, un white label même. White label. Même pire qu'un white label, c'est vraiment un truc que personne n'a. D'accord, donc inutile de dire que tu l'as téléchargé. Inutile de dire que je l'ai fait. Tu l'as fait? Voilà. Hey, super exclu voilà. Ce soir, c'est Yogi qui a fait ce titre-là. C'est le premier titre du groupe The Balls d'il y a 5-6 ans. D'accord. Et les Balls, c'est donc évidemment moi-même. Ah. Et mon cousin, Tim Paris. D'accord, bah c'est et pour ça. Et on se reforme officiellement. Hey, félicitations voilà, ouais, même moi, j'étais pas au courant, alors on va continuer à écouter, pardon. Non. Et on en parlera après. Non, on peut en parler, d'accord. C'est la fin, c'est sympathique. Et tout. Alors, c'est raconte-nous un peu, raconte-nous l'histoire de ce titre. Et voilà, ce morceau, c'est l'intro du premier album de Goody Mob, qui est un album un peu mythique pour moi dans le hip-hop, qui a vu naître quelqu'un qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Gnarls Barkley. Le mec qui chante, c'est Gnarls Barkley, autrement connu sous le nom de Silo. Silo, d'accord. Voilà, très pote avec son Gnarls Barkley, c'était avec Mouse, je sais pas trop quoi là. Un mec. Non, comment il s'appelle? Dirty Mouse, non, Roger Mouse. Roger Mouse. Danger Mouse, pardon. Danger Mouse. C'est Silo. Voilà, Silo et Danger Mouse. Voilà. Till the end of the times. Voilà. Et donc voilà, et l'intro était trop courte. D'accord. Ça m'énervait beaucoup parce que j'adorais l'intro de cet album qui dure 30 secondes. On a fait un morceau qui fait 7 minutes, 6 minutes et quelques. Donc on peut dire que tu es précurseur des édits. C'est un peu toi qui as édité déjà un. Alors titre. Je ne suis pas Michel Vedette. Non. Regarde-moi bien. Je suis précurseur en rien du tout. Non, mais tu es. Enfin, si. Je pense que tu dévalorises qu'on avait, beaucoup. On avait très envie d'en faire un morceau qui nous plaisait. Ouais. Très envie de faire connaître ce morceau qui nous plaisait énormément aussi. D'accord. Surtout que l'album de Goody Mob, je vous le recommande à tous. Il y a 2-3 autres. C'est, mais alors le dernier ou quand Le tout premier de Goody Mob. Et je vais retrouver son nom au cours de l'émission. Ouais, voilà. D'accord. Donc, on va retrouver. On ira sur internet. Je ne m'en souviens plus du tout. D'accord. Donc ça, c'était Bold. Soul Food, je crois. Soul Food. C'était Bold. Les Bolds qui vont se reformer incessamment sous peu. Ça a commencé. Ça a commencé déjà. Donc c'est pour l'info première, c'est donc Yogi Style. Avec Tim Paris, et on est ravis parce qu'ils font que du bon son. C'était un super son donc de Goody Mob. C'était les Balls qui remixent Goody Mob, effectivement. Goody Mob, d'accord. Voilà, en white label. Ensuite, je vais te proposer un autre groupe qui s'est reformé. Parle bien dans le micro. Pardon, un autre groupe donc qui s'est reformé et qui a resplitté immédiatement. D'accord. Et c'est tu parles de Grand Dame, d'ailleurs. Attends, laisse-moi réfléchir. Milli Vanilli. Pas loin. Ils sont noirs. Ils sont trois. Les Boys to Men. Tu t'approches, tu chauffes. Ils sont quatre, merde. bon, je sais pas. Vas-y, balance, envoie. Je sais pas. Bah écoute, ce que je vous les Jackson 5. Ah non, ils sont 5. Ce morceau. Et on va voir à la fin si qui trouve. Qui je parle. Alors, c'est pas Edouard Montout, je vous le rappelle. Edouard Montout ne chante pas encore. En revanche, il fait des pins. Il y a le comité de soutien d'Edouard Montout qui est parmi nous, qui est venu s'insurger. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on écoute Bold, hein. J'ai envie de t'appeler Bold maintenant, hein. Je vais t'appeler Bold toute les la soirée. Oui, les Bolds, c'est parce qu'on a eu des problèmes de cheveux. C'est ça. Chez Paris, c'est moi. Alors, donc voilà ce petit groupe qui s'est reformé, qui s'est splitté aussitôt. On ne dit pas qui c'est, on dira, on en parlera écoute. Après. Kinda traditional, kinda rough, but the beat don't deter me from your stuff. I mean, I wonder if I get it enough. I'm an addict and dramatic, and I vote for your touch. It's those things you do that got my head twist. Spontaneous director of your own flick. Box office hit, strictly cutting no scripts. Teresa Randall type chicks, so I call a girl six. Caramel complexion, Gucci rush scent. Sexually intense, abstinence nonsense. Lights, right. Camera, I'll direct the action. Foreplay setting off your chemical reaction. Complete satisfaction, all around attraction. Go ahead, exhale, ma. Now don't it feel relaxing? Now let me meet the man in the canoe. That shy little guy with stroke right, it pleases you. When it come to penetrating you, must variate you. Real estate agent have to properly locate you. Same position and geographic place. Wanna do the thing, show I appreciate. I see you doing it, girl. I see you doing. I see you doing it, girl. I see you doing. I see you doing it, girl. I see you doing. I see you doing it. I see you doing it, girl. I see you doing. From the first day I saw ya, knew I had to bag ya. ESP's on, you were sipping on a lager. I'm way across the room and we made the eye contact. Had to say something, consequences, never mind that. I'm staring in your eyes, vision of locking lips. 36 C's, damn, I love them well equipped. AC on blast, got some showcase and hard nips. Thoroughbred chick, it's her I need to be with. She had a Midwest twang. Well, at least that's how it sounded. 317 representing Aptown Kid. Only question now is, how could I be down? It's conventional to me because I really love. Forever, my lady. You like how that sounds? Saga, man, I'm out with pure loving by the pound. Shows my name is Fife, girl. I never leave your side. Let's go ahead and walk these dogs and represent tribe. I see you doing it, girl. I see you doing it. I see you doing it, girl. I see you doing it. I see you doing it, ma. I see you doing it. I see you doing it, girl. I see you doing it. I see you doing it, girl. I see you doing it. I see you doing it, girl. I see you doing it. I see you doing it, ma. I see you doing it. I see you doing it, ma. I see you doing it. I see you doing it. On va remettre un peu d'ordre dans cette émission parce que ça parle dans tous les sens. Ça oublie qu'il y a une émission en cours, qu'il y a des gens qui écoutent, que c'est enregistré. On est en train de quitter les morceaux, excusez-moi. Voilà. C'était reconnu ou pas ? Non, je n'ai pas reconnu. Non, je m'en fous. C'est quand même les grands Tribe Called Quest. Ah, bah bien sûr, non, mais ça j'adore. Et ils vont se reformer, tu m'as dit ? Ils se sont reformés il y a 2 ans. Incroyable. Ils ont fait ce maxi et ils sont resplittés dans la foulée. Bah ouais, mais ils s'entendent pas, qu'est-ce que tu veux. National, voilà. Voilà. Moi j'avais le. Fife et Q-Tip se sont mis sur la gueule. Voilà. Ça a duré 2 minutes. Ah, Tribe Called Quest, t'es pas venu au concert de La Soul qui était incroyable, hein, en parlant de Native Tongue. Absolument. Voilà, donc de La Soul qui était en concert à l'Élysée Montmartre. J'aime bien ce petit terme que t'as utilisé. Native Tongue. Ouais, c'est Soul, ça. Tout ça, Native Tongue, c'est vraiment ça. Hein, ouais, c'est ouais, Tribe Called Quest, Far Side, de La Soul. Tu t'es renseigné un peu sur pas les, du tout, sur les non. Ah non. Je connaissais les Native Tongue. Les Jungle Brothers. Les Jungle Brothers aussi, les. Les King Kong 5, non, je rigole. Alors écoute, ensuite, après ça, je voudrais te faire écouter deux légendes. Parle bien dans le micro, s'il te plaît. Ça va. Je voudrais te faire écouter deux légendes. Deux légendes. Deux légendes. Oui. C'est pour ça que j'ai de la musique, en fait. D'accord. Bah, c'est tout à fait ce que j'ai envie que tu nous mettes, parce que c'est exactement c'est pour ça que je t'ai invité. La raison pour laquelle je fais. De la musique. Tu cherches le truc. Je vais essayer de combler. Donc, n'oubliez pas une chose, c'est que vous pouvez évidemment retrouver toutes les émissions de tout le temps. L'archivage de la radio, c'est sur lesondelaradio.com. Non, pardon, lesondelaradio.blogspot.com ou alors sur myspace.com/lesondelaradio. Vous pouvez retrouver toutes les informations, toute la programmation, toutes les anciennes émissions que vous avez pu louper, que vous voulez télécharger, écouter dans le métro, écouter tout ça. Vous pouvez tout mettre sur le iPod maintenant. C'est ça, c'est la technique, incroyable. C'est incroyable, c'est magique, incroyable. C'est dingue. Donc pourquoi tu fais de la musique ? Écoute, je fais de la musique pour 3 raisons. Ouais. La première, mais absolument personnelle, c'est que je fous de la merde derrière. Hein. C'est le bordel, ils sont en train de voler mes fringues. Vous pouvez arrêter de voler les meubles et les fringues, s'il vous plaît. Super sérieux, je fais une analyse. Oh, s'il vous plaît. Bon, d'accord, ils s'en foutent, ils téléphonent. Ils sont... okay. Donc, je te disais que la première était purement personnelle, c'est vraiment une raison familiale et ces morceaux représentent absolument tout ça. La deuxième, c'est que j'ai jamais trouvé mieux que la musique pour exprimer des sentiments, et que mon gros problème dans la vie, c'est d'exprimer des sentiments. Ah, t'es timide. Je suis pas que timide. C'est... T'as envie de faire une petite dédicace ce soir ou pas? T'es derrière un micro. Il y a deux grandes oreilles qui m'écoutent et je leur fais un bisou à chacune. Oh, c'est gentil. Et puis la troisième raison, c'est que c'est beau. Bah, tout simplement. C'est magnifique. C'est juste que ça t'irrisse les poils des bras. Quoi. Et c'est ce bon. Morceau, je vous le dis, c'est John Coltrane et Duke Ellington. Ah, c'est juste pas deux gamins. On parle de John Coltrane et Duke Ellington, s'il vous plaît. C'est deux putains de mythes. Ce morceau s'appelle In a Sentimental Mood. Mm-hmm. Donc d'humeur sentimentale. Bien sûr. Mais c'est très bien parce que moi je fais la même chose. Je traduis tous les titres. Il faut absolument traduire. Je sais que Michel Vedette parle approximativement français. C'est un soir Fred. Voilà. Donc on traduit les titres pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais ce soir. Et c'est un morceau magnifique. En plus c'est un all time quoi. Bah on écoute tout de suite John Coltrane, Duke Ellington sur ma radio. Et c'est une sélection de Yogi pour le son du platiniste. Sur FIP, il y a un peu d'embouteillage sur la 300. Et voilà, un embouteillage de 15 km sur l'autoroute numéro 2. Voilà, c'est le son du Yogi ce soir, le son du platiniste. voix vaginale sur Radio FIP. Voilà, merci Yogi pour ce Coltrane et sur ce Duke Ellington qui est juste de légende, de légende, de légende, de légende. Légende. J'aime bien cette espèce d'atmosphère un petit peu smoky qu'on a. Ouais, smoky. Tout c'est très smoky ce soir déjà dans le studio. Hein, beaucoup de gens fument parce que la loi n'est pas encore passée. Tu as besoin d'un cendrier peut-être. Non, ça va. Donc voilà, c'était donc sa partie un peu free jazz, la partie free jazz. C'est free jazz. Je dis une connerie. Coltrane a connu une période free jazz, mais c'est pas celle-là. C'était pas celle-là. Il était hyper. Il était straight. Là, il était très très calme. Il était très très calme. Donc c'était la période jazz de Coltrane. Tu n'as pas noté la façon qu'il a de rentrer à chaque fois dans ses solos qui est purement incroyable. C'est-à-dire un peu, c'est ce que tu disais, un peu laid back en arrière sur la musique, il rentre, il est complètement à la ramasse sur la musique, mais ça sonne, voilà. Ce son. C'est-à-dire qu'on sent qu'il a une sorte de désinvolture par rapport à la musique, mais en même temps, ça sonne juste. C'est ça que tu veux dire. T'as même l'impression qu'il est en train d'écouter ce qu'il joue et ce qu'il est en train d'écouter les autres, et donc il est en retard parce qu'il écoute, mais ses notes sont tellement parfaites que c'est là quoi. Enfin, d'accord. Il y a peu de mots pour exprimer ce que je ressens, et ce morceau me rend absolument dingue. Voilà. D'accord. Donc je répète aux gens qui n'ont pas entendu parce que tu parles très mal dans le micro. Pardon. Ce morceau te rend complètement dingue. Voilà. Bon, ensuite un petit morceau. Une petite gâterie. Pas une gâterie, parce que c'est très musique black aujourd'hui. On est plus dans le rock et tout, mais moi j'aime ça. Mm-hmm. Et j'aime les gens qui se souviennent de leurs amis. Ouais. Parce que l'amitié pour moi. Prime. Extrêmement important. Ouais. Et surtout les mecs qui se souviennent de leurs vieux potes qu'ils ont perdus. Ah, tu vas me faire chialer là. Et non, pas du tout, le morceau est hyper gay. D'accord. Et je voudrais te présenter un mec qui s'appelle Mr. Leaf. Mr. Leaf, ouais. Très très bon rappeur. Monsieur Feuille. Pas exactement, L.I.F. L.I.F., d'accord. Mais alors on pourrait interpréter ça comme Monsieur Feuille, mais... D'accord. Mr. Leaf, qui un jour a dit, bah écoute, voilà, moi je fais des morceaux, et puis j'ai connu plein de gens dans ma vie, j'avais envie de leur dire coucou, tout simplement. Et d'accord. J'ai envie de dire c'est coucou un peu à tous tribute, les mecs à qui j'ai fait de la musique ces 10 dernières années. Allez, on écoute. All crew. Mr. Leaf. Mr. Leaf. From Yogi Style on my radio. Petite intro, attention. Mais ça sent la musique des îles, tout ça. Il y a un petit côté, ouais. Il avait envie de leur dire coucou, mais depuis les îles. Praying for a mic to clutch. I used to sit up with my man Dave O and smoke blunts. We were upstate New York, cold, thinking of a plan to flip our lyrical skills so we could make grands, have thousands of fans, travel state to state, up north, down south. But it all started at his house. Words left his mouth and got the ultimate respect. I outstretched my arm and gave him a pound because he caught wreck. And who was up next? In retrospect, it was me. A short little fly nigga ready to MC. I would kick a free or maybe something premeditated. Dave would get crazy hype and say I elevated. And that encouragement was my nourishment. I took his positive words to heart and kept flourishing. And brother, I don't know where you are now, cause we haven't spoken for a while, and I'm without a number to dial. But every time I think about you, I smile. Love, respect for helping me develop my style. Old crew, these are people you once knew. Everybody got a different goal to pursue. Don't forget your peoples no matter what you do. And this goes out to you and you and you and you. Old crew, these are people you once knew. Everybody got a different goal to pursue. Don't forget your peoples no matter what you do. And this goes out to you and you and you and you. I dropped out of college, now I'm in Long Island. Chilling with a bigger group of dreads freestyling. It was me, D-Box, Dre, Big'em Shaw, Alpha and Omega Dread. Powerful crew, nuff said. They taught me how to grow locks upon my head. Then they laid down the law and this is how it read. It said grow, never to cut and never separate them. That's verbatim and to this day I verbatim. We pull our money together to get food and brew. Then sit in front of the television so we could boo. Commercial ass rap acts and fuck the radio too. Niggas turn off that bullshit, pop in kung fu. Twist up the Buddha bless so we can express. Please keep the cipher moving 30 seconds or less. These are times I'll never forget. I used to regret that nowadays we're not as tight as when we met. But things change and people grow apart. But listen to my rhyme and feel the love in my heart. Cause I'm still standing and my hair's mad strong. Go to MrLift.com and let me know what's going on. Old crew, these are people you once knew. Everybody got a different goal to pursue. Don't forget your peoples no matter what you do. And this goes out to you and you and you and you. Old crew, these are people you once knew. Everybody got a different goal to pursue. Don't forget your peoples no matter what you do. And this goes out to you and you and you and you. Sometimes people People part ways for good reasons. The nature wasn't pleasing, or some evident treason has made itself visible, and rather than talking, somebody turned their back and just started walking. Tears started welling up and pride held them back. When you look back, you realize that you lack tact. Of course, remorse can be a deadly force when you realize how much you love the things that you lost. Everything including life is temporary, so I hope that everybody in my life now knows how much I truly love them, and this includes my cousins and my fans. So I plan to shake hands by the dozens, moms and my pops, but excluding the cops, barbershops, and them lunatic niggas who bust shots. I'm devoted to y'all till my physical rocks. I gotta stop, yo, I'm just sharing my thoughts. Old crew, these are people you once knew. Everybody got a different goal to pursue. Don't forget your peoples no matter what you do. And this goes out to you and you and you and you. Old crew, these are people you once knew. Everybody got a different goal to pursue. Don't forget your peoples no matter what you do. And this goes out to you and you and you and you. On va toujours parler sur l'outro, ça fait hyper professionnel. Ouais, bah oui, mais c'est... Mais il y a de plus très, en plus très important. De... Attends, il y a de plus en plus de monde ici. Hein. Ça s'est rempli. Oh. Moi, ça me stresse. Là, on a carrément un public. Le public RTL est venu ce soir avec nous. Voilà, donc ils sont tous là. Putain, ça me stresse. Qu'est-ce que je sais pas ? Ah, d'accord. Donc on est toujours avec Yogi hein, ce soir qui nous présente son émission, la première du nom qui s'appelle Le Son du Platiniste. On est ravis de l'avoir. C'est carrément devenu mon émission. Là. Non, Le Son du Platiniste, j'adore. Pardon. C'est à moi. C'est donc voilà, l'émission Le Son du Platiniste, le premier invité Yogi qui nous passe un peu sa vie, sa carrière, voilà, ses morceaux, ses morceaux, ses envies, ses passions, etc., etc. On est ravis de l'avoir ce soir, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu nous fais découvrir maintenant. Je ne fais rien découvrir ensuite. Ah, non. Ah, ça, tout le monde connaît. Tout le monde d'accord. Connaît. Et si tu ne connais pas, c'est que ça ne va pas bien dans ta tête. C'est que t'es une cave. Écoute-moi bien, toi. Écoute-moi bien, toi qui es de l'autre côté. Ouais, vraiment, toi, pour le coup. Non, t'es dégueulasse. Il ne faut jamais dire ça. Non, pas toi. Vous qui m'écoutez. À partir de deux, c'est vous. Ouais, ça va. Je voudrais, avec ce morceau, dire merci à deux personnes, en fait. D'accord. Merci à deux personnes. La première, c'est un pote ouais. qui m'a ouvert les oreilles. Ouais. Il a monté une radio depuis, il est insupportable. D'accord, ok. Donc c'est spécial casse dédié en fait. Ouais, un peu, ouais. D'accord. J'ai jamais eu trop l'occasion. Enfin, je te l'ai dit de façon officielle maintenant. Tu sais que là, c'est gravé sur le net, c'est-à-dire que je pourrais réécouter ce moment infiniment. C'est sûr. Alors, vas-y. Dédicace-moi à moi, donc, mais ce comment, morceau. Mais c'est pas toi du tout. Qui a monté une autre radio. Oh, ah, d'accord. Je pensais à Maurice. D'accord, un mec qui a monté une radio dans le 83. Voilà, c'est ça. Rien à voir, quoi. 83, c'est quel c'est le Var. Oui, c'est le Var. Le 83, c'est le Var. 84, c'est Nice. Vaucluse. Voilà, c'est ça. Alors, juste donc, un petit morceau. À toi, Boris. 3 minutes 41, Maurice. Et puis, quelqu'un d'autre que j'aime bien, avec qui je me marre bien. Et voilà. C'est qui s'appelle comment qui aime beaucoup ce morceau, peu importe qui s'appelle comment. Bon, d'accord. C'est une fille. C'est un garçon. C'est un garçon. D'accord. Voilà. Donc, on écoute cette spéciale dédicace à ma radio. Donc, voilà. Et à son fondateur. À une radio. Et à son fondateur. C'est marrant, elle s'appelle ma radio aussi dans le 83. C'est très marrant. C'est vraiment incroyable. Et à une autre personne que Yogi ne voudra pas citer. Non. On écoute tout de suite, j'imagine. De toute façon, que il s'en fout, il écoute pas. Un peu de rock'n'roll. C'est possible. Allez, on envoie. Ah. Ça va faire plaisir aussi à Toto. Around in the muck and the mire. Cold War Kids. Tu peux pas me faire plus plaisir que ça, mec. Hein. Moi, c'est, je les ai vus en concert avec le matos, tout ça. C'est pour moi, c'est bien, comme bien. Ah mais moi, Cold War Kids, ça me voilà le Woody Harrelson de la musique. Voilà, parce que c'est son sosie. Hein. Je dis ça parce que vraiment, tu le vois sur scène, c'est le sosie de Woody Harrelson. Tu m'aurais dit le Jackson Pollock de la musique, j'aurais pas compris. Non, bah non, mais Woody Harrelson. Voilà, donc on écoute encore un tout petit peu. Juste la fin, parce que je sais que ça se finit là, mais. Et voilà. C'était voilà. Les Cold War Kids. Et tu nous gâtes. Et tu ne fais que nous gâter ce soir. Et bah maintenant, je vais bien vous emmerder. Ah. Voilà. Parce que pourquoi ? Parce qu'on va faire un constat. Alors, ensemble. Un constat. Et je vous prends tous à témoin. Ah. Attention, parce qu'il y a beaucoup de monde. Tous. Un, y compris quatre, Lost Twins. Cinq. Qui six, savent de quoi sept, on parle. Huit. Qui ça ? Les Twins. Ah, les Twins. Les Twins. On Los parle... Twinos, pardon. Los Twinos. Los Twinos. J'avais pas l'appellation. Los Twinos, Los Bores Twinos. Alors, Los Twinos. Ouais. Alors attention, parce que c'est des spécialistes de musique. Il y a, hein, un problème. Il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Alors. On va écouter quelques instants d'un morceau. Ouais. Ah, non, c'est blind test. On fait un blind test. Non, c'est pas un blind test. Ah, merde. Enfin, je dis rien. D'accord. Et j'aimerais qu'on en parle deux secondes après. D'accord, avec okay, on écoute. On écoute. Écoute, fils. Voici le métis, café crème, l'MC, cappuccino, criminel au MIC. Si t'es pas de chez nous, c'est nique le taf, le bis, oui, briller les tis. Les pauvres claquent, mon style craque, reflète une jacque. Dans mon quartier, les frères ont le même emploi. Seul le grippé, la nuit, ils se déploient. Mais qu'est-ce que tu croyais? Qu'on allait rester là, se laisser noyer. Voyons, ici chacun avance selon ses moyens. Une grosse capuche recouvre ma tête grillée. Pour deux ou trois billets, le chrome je fais briller. Danger. Le lunatique fils tire les techniques. T'as pas besoin de dessin, pas besoin de... Est-ce que quelqu'un... Non, mais est-ce que vous êtes d'accord? Rien n'a changé en 15 ans. Non, non, mais il faut que tu parles dans le micro parce que... Rien n'a changé en 15 ans. Rien n'a changé dans 15 ans. Booba, il fait la même chose aujourd'hui. Ah, Booba. Mais est-ce qu'on écoute Booba? Mais non, personne n'écoute Booba. Ah, le bateau écoute Booba. T'écoutes Booba, Guillaume? Mais t'écoutes Lunatic. Non, mais t'écoutais Lunatic il y a 15 ans. Mélanie, t'écoutes Booba, toi? Ouais, elle savait même pas que ça existait, Booba. T'écoutes Booba? Bon, personne n'écoute Booba. Et eh ben c'est bien parce qu'il y a un constat à faire. C'est pas Booba, on s'en fout de Booba. Il y a un constat à faire. À part l'ourson, moi franchement, à part l'ourson, non, moi, que j'écoutais pas. Tu dis que j'ai pas préparé, mais il y a un constat à faire. Attends, mais t'as pas préparé, mais là t'es en train de te rattraper avec. Non, je sais pas quelle branche. Regarde bien. C'est juste, c'est très très long ces listes de lecture là, c'est un enfer. Ouais, donc t'as pas préparé, c'est bien ce que je dis. Alors écoute. Ah, on écoute. Ah, c'est le nouveau Booba, ça. Non. C'est quoi, ça? C'est la réponse. Ah, c'est la réponse. MC Jean Gabin. Pas du tout. C'est qui, alors? Nas. Ah, Nas. NYC, Dirty South, West Coast. Midwest, let's go. If hip-hop should die before I wake, I put an extended clip and body them all day. Roller every station, wreck the DJ. Roller every station, wreck the DJ. If hip-hop should die before I wake, I load an extended clip and body them all day. Roller every station, wreck the DJ. Roller every station, wreck the DJ. DJ, I just died this morning and she's dead, she's dead. Smoke, chill, party, and die in the same corner. Get casted fast, body they man's mama. Quick, fast, trigger fingers on the llama. Revenge in the eyes, Hennessy in the ganja. Words to the wise, with villain state of minds. Grinded, hitting Brazilian dimes from behind. Grinded, hitting Brazilian dimes from behind. Grinded, hitting Brazilian dimes from behind. Whenever, if ever, I roll up, it's sewn up. Any ghetto would tell you Nas help grow what's up. My face once graced promotional Sony trucks. 100 million in billing, I helped blow them up. Gave my man my right, I could've went left. So like my girl Foxy, the kid went deaf. So people, who's the top 10? Is it MC Shan? Is it MC Ren? If hip-hop should die before I wake, I put an extended clip and body them all day. Roller every station, wreck the DJ. Roller every station, wreck the DJ. If hip-hop should die before I wake, I load an extended clip and body them all day. Roller every Navy station, wreck the DJ. Roller A station, wreck the DJ. DJ, DJ, DJ. I just died this morning. She's dead. She's dead. The bigger the cap, the bigger the pillin'. Come through something ill, missing the ceiling. What influenced my rap? Stick ups and killings, kidnappings, project billings, drug dealings. Criticize that, why is that? Cause Nas rap is compared to legitimized crap. Cause we love to talk on nasty chickens. Most intellectuals will only half listen. So you can't blame jazz musicians or David Stern with his NBA fashion issues. Oh, I think they like me and my white tee. You can't ice me, we here for life, B. On my second marriage, hip hop's my first wifey. And for that, we're not taking it lightly. If hip-hop should die, we die together. Bodies in the morgue lie together, all together now. If hip-hop should die before I wake, I put it... Bon, tu nous envoies du lourd là ce soir. Hein. Ouais. Ah, du gros, voilà. Du gros, du lourd, du ça, bon. Ça, c'est les Américains récemment, voilà. Et le constat est simple en France, hip-hop is dead. Et je rappelle à tous les nouveaux connectés que c'est Yogi ce soir qui fait sa sélection sur le son du platiniste. Salut toi qui es sur un PC. Toi qui es sur un PC, et ça c'est Julien. Je sais que c'est Julien, je le reconnais, c'est le seul à lire ma radio avec ça. Donc salut à toi Julien, il y a beaucoup de monde ce soir ici dans la radio, hein. On est content, on est une dizaine, on est au moins 50, c'est un peu RTL. Selon les forces de police. Voilà, c'est un peu RTL, putain j'ai envie de roter avec toutes ces bières, ça il faut pas le dire. Alors donc tu nous gratifies d'énormes sons, là c'était Nas. Alors, avec son dernier tube, l'énorme tube dead. Hip-hop is dead, est-ce bien que rock, c'est une prémonition bien rock, bien est-ce rock. Que c'est une prémonition c'est une prémonition. Alors, c'est ça, c'est le hip-hop tire la gueule les amis. Mais bien sûr. Heureusement que tu m'initie au rock, hein, parce que sinon je savais vraiment pas quoi faire aujourd'hui. Bah écoute, je suis ravi au moins que je t'ai appris ça. Enfin, je sais pas si non, je t'ai appris, rock, mais en tout cas, je sais. Un truc des mecs avec des shorts et des bonnets ridicules et qui gueulaient sur une scène. Et en fait, non, c'est vachement bien. Bah non, mais non, c'est très bien. Il y a du contenu dans le rock. Ouais, hein. J'étais hip-hop, moi. Tu vois, ah bah tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, je comprends. Mais j'étais hip-hop aussi, mais j'étais un peu rock aussi. Ouais, mais t'es resté un peu rock. Bah j'étais rock, hip-hop. J'étais musique, moi. Tu vois, je te dis, j'étais musique. Eh ben tiens, écoute, tu sais quoi? Ouais. On va se faire un petit plaisir. Allez. Les seuls qui avaient tout compris bien avant tout le monde, d'ailleurs, entre le rock, le hip-hop, ça, ils s'en battaient les pieds. J'aime bien s'en battre les pieds. Ouais. On va arrêter. Ah oui, parce que ça ne servait à rien. Parce que j'essayais de reconnaître tout de suite. Et tu m'as rappelé un morceau l'autre jour, j'en cherchais un autre et tu m'as rappelé celui-ci. Ah d'accord. Et eh ben, on écoute tout de suite. Écoute. C'est quoi c'est des blancs. Allez, c'est les Beastie Boys. Ah, bien sûr. Vous avez tout compris. Les Beasties, ils avaient compris tout avant l'heure. Les punks du hip-hop. Non seulement ils ont compris qu'il n'y avait pas de musique, il y avait de la musique, ouais. Et en plus, ils ont compris que le seul truc qui compte, ouais, c'était l'énergie. C'est les filles. Hein. Ouais, c'est les filles et l'énergie. C'est les punks et l'énergie. Du hip-hop. C'est les punks du hip-hop. Girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, Fille. Que des filles. Ils avaient tout compris, ces mecs-là. Hein. Et on attend l'album avec impatience, le prochain album des Beastie Boys. Hein. Certainement l'année prochaine. Ils sont venus en France il n'y a pas longtemps en concert. Ils nous ont délectés de deux concerts. Un peu plus jazzy, un autre un peu plus hip-hop. Malheureusement, je n'y étais pas. Les Beastie Boys font du jazz. Non, mais attends, tu sais qu'ils sont vachement bien, les albums de jazz des Beastie Boys. Je ne sais pas si tu as écouté. Ils sont écouté, très, très bien. Ouais. Vraiment, vraiment. C'est des putains de musiciens, les mecs. Ils envoient sec. Alors ouais. Alors, il y a beaucoup de commentaires derrière, il y a beaucoup de réactions. Enfin, les gens réagissent. Il a fait l'unanimité, hein. Les Beastie Boys, bah, c'est bien l'unanimité. Sûr. Les gens immédiatement, étaient, là, je les, crois que. Les filles qu'on dans avait le studio, dans le studio, c'était super chaud. Bah, les filles qui étaient dans le studio sont foutues à poil direct. Hein. Voilà. Bon. Alors. Qu'est-ce que je vais mettre après ça? C'est la merde. Écoute, t'as pas encore beaucoup de temps, quoi. T'as encore une dizaine de minutes. Une bonne dizaine de minutes pour nous délecter de certains de minutes. Sons. J'ai très alors écoute, je te propose deux morceaux pour finir. D'accord. Un premier assez particulier. Ouais. Qui est vraiment ce que j'aime dans cette musique. C'est-à-dire j'aime dans cette les musique gens. Dans l'hip-hop. Ouais, ça va au-delà du hip-hop, je trouve. C'est parce des gens. On rappelle que Yogi est très hip-hop. Je suis très hip-hop. Culture hip-hop. Hein, j'en ai une. Culture Ophélie Winter. Hein, un petit peu. Ophélie, si tu m'écoutes. Donc, je voudrais te faire écouter des mecs qui, au-delà de faire du rap ou des trucs à la con ou quoi, ont des idées. D'accord. Et j'aime bien les mecs qui ont des idées. Bah, en général, que quand j'écoute du hip-hop, je trouve que les mecs qui ont du. Enfin, à chaque fois, ont du texte, quoi. Je te parle pas de texte, là. Ah, d'accord. Okay. Là, je te parle de vraiment une idée. D'accord, ok. Faut se remettre quelques années en arrière. Tu parce aimes balancer des visionnaires? Non, pas des visionnaires. Je te ferai pas ça. Non, je vais te faire écouter un morceau, je pense que tu le connais. Ouais. Le groupe s'appelle Prefuse 73. Ouais, je me souviens. Extraordinaire, ouais, ce groupe. Bien sûr, ouais. Et il y a et, 4 et ans. Et non pas UB40. Hein, absolument pas. Non. Alors, pas Prefuse, du non, tout. Non, d'accord. Et donc, ils ont eu une idée à la con, que je trouve assez démente. Mm. C'est ils se sont dit, bon, on va faire un morceau. On va prendre un vinyle. Vous savez qu'on semble beaucoup dans le hip-hop. On écoute beaucoup tous les lundis soirs. Tous les lundis soirs, il y a Guillaume qui nous Jingle professeur pub. Professeur Guillaume qui nous envoie toute son histoire sur le. Est-ce que tu sais que mon premier nom dans le hip-hop, ça a été Professeur Will quand même. Ah bah Professeur Will. Là, il y a Professeur Guillaume, tous les lundis soirs. Voilà. Incroyable. Qui est parmi nous ce soir, qui et écoute. Et donc l'idée qu'ils ont eue, qui est assez démente, ils ont construit leur morceau autour de ça. Ils ont pris un vinyle qui tournait, d'accord, qui leur plaisait, ouais. Et ils ont posé l'aiguille du vinyle. Ouais. À plusieurs endroits, d'accord, comme ça, et ils ont fait la musique comme ça. Pas mal. Ce que je te propose, ouais, c'est d'envoyer. C'est d'écouter, mais vraiment dès le départ, on écoute, ouais, parce que ça se joue dans les 5 premières secondes. D'accord. Dès que je l'ai retrouvé. Hein, d'accord. Que, non, mais attends. Tu vois c'est bien quoi que je mets le son à fond de ton truc. On y est là, c'est bon. On y est. Moi, le son est à bloc. Écoute bien la pose du diamant sur le vinyle, c'est assez incroyable. D'accord. On écoute. Oh, Et nous revoilà. on a failli louper la fin carrément. Parce qu'on disait au revoir à des gens qui vont aller voir les Happy lundi. Je vous retrouve lundi, les enfants. Hein. Attends, parle mieux. Je vous retrouve lundi, les enfants. Tout simplement, sans play, émission 3. Il n'y aura que du bon, il n'y aura que du bon. Ça, c'était une spéciale dédicace de Guillaume. Hip-hop et rock. Voilà, hip-hop et rock qui va venir lundi faire sa sélection. Là, ils partent voir les Happy Mondays à l'Élysée-Montmartre, c'est ça? C'est à l'Élysée-Montmartre? Les Happy Mondays? À la Cigale. C'est à la Cigale, les Happy Mondays qui vont venir. Ça fait longtemps qu'ils ne sont pas venus. Hein. Et après, forcément, ils vont venir faire les DJ à la loco. Donc c'est ce soir. Les Happy Mondays pour tous ceux qui sont fans. Allez à la loco ce soir, ça va être un grand moment, je pense. C'est Happy Hour ou pas? C'est Happy Hour. C'est pour. Et en plus, on n'est pas du tout Monday. Hein. Je comprends pas du tout. Non, mais c'est pour le 20e festival des Un Rock en fait. D'accord. Grosse dédicace aux Un Rock. C'est au Palace, ça, non? Non, c'est au. Parce que la soirée est au Palace. Hein. Ah non, c'est à la loco. Le Palace, ça fait longtemps que c'est fermé. J'ai toujours confondu la loco et le Palace. Les auditrices sont invités à la loco ce soir. Bien sûr, tous les auditeurs et les auditrices sont invités à la loco ce soir. Évidemment, ils ont qu'à dire Marie. Marie de chez Will of Art ou Alex de chez Will of Art. Et ils rentreront direct, hein, bien sûr. Bon courage. Attends, Thomas veut dire un truc ? Ouais. La programmation du Yogi est fabuleuse. Donc moi, je suis impatient d'écouter la fin de l'émission, mais surtout d'écouter la prochaine. Yogi viendra souvent, ne vous inquiétez pas. On va lui créer une émission rien que pour lui, en dehors du son. Ma radio Black. Donc voilà, on va écouter le dernier titre de Yogi qui va nous envoyer un dernier titre. On va finir avec un truc super actuel, un truc qui me plaît, un truc qui est black, qui est blanc, qui est tout, qui fait danser les gens. Qui mélange les couleurs. Qui fait tout. Qui devient gris à la fin. Ouais, un petit peu les Pointer Sisters d'un côté. Moderne. Et Pilouski de l'autre. Ah, un Pilouski Edit. Un bon Pilouski Edit. Ah bah oui. Parce qu'aujourd'hui... C'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qui se fait de mieux hein, aujourd'hui. En musique black, Pilouski, tu défonces. Voilà. C'était une spéciale dédicace à Pilouski. On envoie tout de suite le son de Pilouski sur ma radio. Et c'était Yogi en direct de ma radio. Je vous retrouve lundi. Demain, rediffusion de toutes les émissions. Et lundi, bien sûr, on reprend l'antenne en live lundi soir avec Guillaume. Allez, salut. Voilà, c'était Yogi qui était en direct de ma radio et on a aimé ce qu'il nous a envoyé parce qu'il nous a fait plaisir avec plein de titres très intéressants, très, voilà, très Yogi quoi. On va retrouver Yogi très très rapidement sur ma radio bien sûr. Moi je vous retrouve exactement lundi.